condamné à mort par contumace pour sa participation à la Commune de Paris par un tribunal le 14 juillet 1872 à Versailles, Jules Vallès s'exile à Bruxelles, puis à Londres, où il rédigera la version définitive de l'Enfant et du Bachelier. Amnistié, il revient en France en 1883. En 1885, son enterrement au cimetière du Père Lachaise fut suivi par des dizaines de milliers de Parisiens. Voici l'épitaphe gravée sur sa tombe. « Ce qu'ils appellent mon talent n'est fait que de ma conviction ».